ton choix de faire preuve de prudence ainsi que de méfiance pour ta première fois. Je ferai n'importe quoi, mais de toute évidence t'as besoin de confiance pour passer le pas. Je le pouvais quand tu seras décidé. Je serai sage. J'attendrai que pour toi il soit l'heure. Je ne veux surtout pas que tu aies peur, que je m'ennuie. Mais je veux que tu saches quand sera venu le jour. Cette nuit.